que vous m'entendez? On va faire du yaourt, on s'en fout, d'accord? On fait du yaourt. On va faire du yaourt. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour faire du yaourt? Ouais? Attention. Est-ce que vous êtes prêts pour faire du bruit? On va chanter en yaourt, c'est ma spécialité.